bannière. Je connais ça date pas d'hier. Tranquille, ma vie, je la gère. Du moins, sans je mets une majeure. Arrêtez de faire vos manières. Je connais ça date pas d'hier. Tranquille, ma vie, je la gère. Du moins, sans je mets une majeure. Trahis pas gros, ça fait mal. Je vais prendre une Rolex, ça fait mal. Les dindous, les voyous. Va falloir sucer des némones. Sers-moi un Malibu. Puis je prête ma white Brito. Touche ma famille, je nique tout. Je mets bien mes proches qui tout. Ah ouais, j'analyse tout. Vous faites pas peur du tout. Ils croient que tu fous, ils se courent. Pas du genre à dire au secours. Je vais te parler, tu cours. Ah maintenant tu râles les coups. Marque moi, je monte dans les tours. Je te cherche quand je fais des tours. Y'a pas de stress, étranger, y'a pas de blême. Y'a pas de fesse, c'est la crise, y'a même pas de thème. Sous trop les nuits, j'écris mes problèmes, stas. J'ai SBM, la rage, sous pollen, genre. Arrêtez de faire vos manières, on se connaît ça date pas d'hier. Tranquille, ma vie, je la gère. Du moins, sans je mets une majeure. Tu te fais des films, mon frère, après tu me jettes la guine. Pas bien dans un jean, je préfère mon sur la Chelsea. Je me lève à midi, sous bouquin avec Tico et Mehdi. Voilà maintenant il me voit trop sage. Tu m'as descendu en traite, ça me l'a dit. Je vais poser mes couilles sur ton front si t'es pas gentil. Oubliez-nous, vous voyez pas qu'on s'en bat les couilles. Vous soyez disant pas de parle, voilà d'où viennent les doux. Y'a pas de stress, frangin, y'a pas de blême. Y'a pas de fesse, c'est la crise, y'a même pas de thème. Sous pauvre les nuits, j'écris mes problèmes, stars. Arrêtez de faire vos manières, on se connaît ça date pas d'hier. Tranquille, ma vie, je la gère. Du moins, sans je mets une majeure. Y'a pas de stress, étranger, y'a pas de blême. Y'a pas de fesse, c'est la crise, y'a même pas de thème. Sous trop les nuits, j'écris mes problèmes, stars. J'ai SBM, la rage, sous pollen, genre. Arrêtez de faire vos manières, on se connaît ça date pas d'hier. Tranquille, ma vie, je la gère. Du moins, sans je mets une majeure. Arrêtez de faire vos manières, on connaît ça date pas d'hier. Tranquille, ma vie, je la gère. Du moins, sans je mets une majeure. Arrêtez de faire vos manières, on connaît ça date pas d'hier. Tranquille, ma vie, je la gère. Du moins, sans je mets une majeure.